L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'apostrophe l'émission, émission mensuelle sur les ondes de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM, mais également sur internet au www.radio-rgb.net. Émission qui sera rediffusée samedi prochain, nous serons le 12 mars, dans un horaire matinal de 9 à 10 heures du matin. Voilà qui est dit. Au sommaire et au menu de cette émission, tout d'abord vous présenter nos invités en studio, Jean-Joël Le Chapelain, qui est le directeur de l'apostrophe. Bonjour. Bonjour. Elsa Jourdain, relations au public à l'apostrophe. Bonjour. Bonjour. Sabine Courmont, enseignante au collège des Toulouses à Cergy, avec qui nous allons parler des Melting Pot 2016. Bonjour. Bonjour à vous. Enfin, Jean-Paul Rouvray, metteur en scène de la pièce Identité de Gérard Watkins. Texte qui a obtenu, au passage, précision à noter, le Grand Prix de la littérature dramatique au Centre National du Théâtre. C'était en 2010. Oui. Bonjour. Bonjour. Par insert téléphonique, nous serons en relation avec Jean-François Civadier, metteur en scène pour la pièce Don Juan de Molière. Et Marianne Calvérac, déléguée académique à l'éducation artistique et culturelle au rectorat de Versailles pour les Melting Pot 2016. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-François Civadier, vous présentez au mois d'avril à l'apostrophe la pièce Don Juan de Molière dans une nouvelle relecture. Un mythe devenu contemporain. En quoi Don Juan est-il contemporain pour nous ? Bah, par exemple, il y a le fait qu'on voit pendant 3 heures quelqu'un qui blasphème sur scène contre toutes les formes de croyances, notamment la religion. Donc aujourd'hui, quand on voit que des gens se font assassiner pour avoir fait par exemple les caricatures de Mahomet, je pense que la pièce elle est d'une actualité brûlante. Un personnage, cependant, pour ce que on peut en garder dans le souvenir des grands classiques du théâtre, un personnage dans un rôle de séducteur cruel, c'est bien ça ? Oui, encore que la pièce de Molière, c'est pas tant le séducteur des femmes que l'athée. L'athéisme est beaucoup plus important que l'histoire de son rapport aux femmes dans la pièce de Molière. C'est-à-dire que Molière, en fait, après avoir écrit Tartuffe, il a été interdit et il revient à la charge avec Don Juan pour porter la violence de son discours encore plus loin. Donc je dirais presque que l'histoire de son rapport avec les femmes est pas anecdotique dans la pièce, mais en fait il concerne que 2 actes. Mais tout ce que Molière a à dire, c'est surtout sur l'hypocrisie de l'Église, de la religion, de toutes les formes de pouvoir, de toutes les formes de contrat avec la société. Mmh. Un personnage cependant complexe, multiple, qui se métamorphose au fil de l'histoire et au fil de la pièce. Oui, ce qui est complexe, c'est que par rapport à tous les autres personnages de Molière, c'est quelqu'un qui se tait en fait, qui ne dit pas ce qu'il a dans la tête et qui est comme un espace de projection pour tous les spectateurs et tous les personnages autour. On ne sait jamais vraiment ce qu'il a dans la tête, sauf quand il parle à l'acte 5 dans l'hypocrisie, et là c'est vraiment Molière qui parle. Mais sinon, Don Juan, c'est vraiment comme une espèce d'énigme comme ça qui traverse le monde et qui sert de révélateur à toutes les contradictions de la société. Alors c'est étonnant parce qu'effectivement, quand on a pu lire Molière, le grand classique du théâtre, on pourrait s'attendre à un véritable monstre sur scène, et vous dites que la pièce de Molière fait de lui un homme, tout simplement, un homme avec dans la poitrine, je cite, un cœur à aimer toute la terre. Oui, ça c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Molière. Oui, Don Juan, ça pourrait être n'importe qui à partir du moment où c'est son comportement dans le monde qui trouble, qui brouille l'image, qui brouille tous les repères qu'on peut avoir, mais ça pourrait être absolument n'importe qui. D'abord, ça pourrait être joué par une femme, ça pourrait être joué par... Don Juan, c'est l'objet de tous les fantasmes. Donc c'est à la fois pour Molière, c'est un petit marquis, ça pourrait être un grand seigneur, ça pourrait être joué par n'importe quel acteur. En même temps, alors, je pense que c'est vous qui avez dit, Molière a fait de lui un libertaire foudroyé. Je pense que Don Juan, il est dans la quête de quelque chose exactement comme un artiste, en fait, comme un artiste qui ne se repose pas sur ses œuvres, mais qui cherche toujours, non pas l'œuvre parfaite, mais à corriger dans la prochaine œuvre ce qu'il a raté dans la précédente, on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a une espèce de course éperdue de Don Juan, mais vers une chose totalement abstraite. Côté interprétation, dans le rôle titre de Don Juan, sur Nicolas Bouchot et Vincent Guédon dans le rôle de Sganarelle, des comédiens que vous connaissez bien, avec qui vous travaillez depuis plusieurs pièces. Oui, le couple Don Juan-Sganarelle, c'est absolument primordial dans la pièce. Si Sganarelle n'existe pas, Don Juan n'existe pas et vice-versa. Donc le couple est au moins aussi important que le protagoniste principal. Alors, on se souvient, pour ceux qui suivent votre travail, du spectaculaire Misanthrope en version plutôt rock'n'roll, humour, fantasy. Est-ce que cette pièce de Don Juan sera traitée de la même manière sur le plan scénique? Je pense que c'est une pièce plus noire, c'est une comédie quand même, mais c'est quand même une pièce plus noire. Enfin, il y a des choses effrayantes dans Don Juan, sur ce qui est dit sur le texte. Alors, je pense que ça ressemble beaucoup au Misanthrope, et en même temps, c'est pas le Misanthrope, mais c'est de la même veine. C'est-à-dire, ce sont des grandes comédies qui peuvent basculer dans une chose totalement noire. Donc voilà, nous, on essaie de faire un spectacle. On dit toujours que la pièce, elle bascule entre le rire et l'effroi. Et donc, ben voilà, c'est une ligne de conduite qu'on a pour le travail. Sept comédiens, c'est à la distribution, je crois. Six comédiens. Six comédiens, ouais. Durée estimée du spectacle, 2h30, c'est toujours ça? Ce sera plutôt 2h45, mais c'est un petit peu plus long que le Misanthrope, oui. C'est une pièce qui est en cours de création. Je crois que les premières représentations auront lieu... Le 22 mars. Le 22 mars, en Bretagne. À Rennes. C'est ça, puisque vous êtes artiste associé au Théâtre National de Bretagne. Oui. Juste d'un mot, je lisais que cette pièce avait été au départ travaillée par Didier-Georges Gabili, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a 20 ans, quand il est mort, il était en train de monter Don Juan et j'ai dû terminer la mise en scène. Il montait aussi une autre pièce qu'il avait écrite à partir de Don Juan qui s'appelait Chimère et il est mort pendant les répétitions. Donc au TNB, en fait, ça a été même le début de ma collaboration avec François Lepilouère. J'ai terminé la mise en scène de ce spectacle. Je cite Didier-Georges Gabili volontairement, puisqu'il disait en particulier, je ne sais pas si vous reprenez ses propos ou si ça résonne dans votre travail de metteur en scène, « On voudrait que ce qui fait de nous des acteurs citoyens, des encore vivants citoyens, serve à la résistance, même partielle, même intime, à la domination du prêt à délasser pour tous. » C'est un petit peu la définition, le rapport au théâtre qui était le sien. Est-ce que vous le partagez? Bah oui, je me reconnais tout à fait modestement dans ces propos-là. Du reste, Didier, c'est quelqu'un qu'on a rencontré tous quand on avait 20 ans et avec qui on a passé, qui a été absolument déterminant. Donc cette phrase-là, on l'a beaucoup entendue et modestement, on essaie d'être à la hauteur de cette phrase avec nos petits moyens. Trois représentations à voir et à découvrir à l'apostrophe la scène nationale de Cergy Pontoise les 12, 13 et 14 avril prochains. Merci à vous Jean-François Civadier. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À noter qu'un stage théâtral sera animé par les artistes de cette pièce, Don Juan, dont il a été question avec Jean-François Civadier au cours de notre émission aujourd'hui. Ce stage se déroulera du 15 au 17 avril à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise. Pour toute information, je vous renvoie vers le site internet de l'apostrophe au www.l'apostrophe.net ou au 01 34 20 14 14. Il est dit qu'il reste encore quelques places pour ceux qui voudraient participer à ce stage théâtral. Pause musicale en compagnie de Luciole, que nous aimons tout particulièrement sur RGB également. Extrait de son album Une, la clé du problème. Faire face, affronter la glace et le brasier. Je me suis enfermée toute seule et j'ai perdu la clé de ma cage dorée.

internet, puis ensuite disponible en podcast à cette même adresse internet. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, ça sera également sur RGB le mercredi 13 avril prochain de 19 à 20h. D'ici là, je vous propose de nous retrouver soit à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, les spectacles vivants vous attendent, et sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. Information de dernière minute, une bonne nouvelle, après des années de lutte et de demandes, enfin la prolongation du bus 42 de Cergy-Préfecture jusqu'à Pontoise-les-Beuriers, juste pour vous déposer au pied du Théâtre des Louvrais, bus 42 qui s'arrêtait à 21h42 jusqu'ici et qui dorénavant s'arrête à minuit et demi. C'est une excellente nouvelle, Jean-Joël Le Chaplin. Ah ben, tout à fait, oui, c'est formidable pour les spectateurs et les scolaires dont nous parlions, puisque les scolaires avaient d'énormes difficultés, évidemment, lorsqu'ils venaient au spectacle le soir pour rentrer chez eux. Donc cette galère de retour pour les groupes en particulier, nonobstant les individuels, est résolue et nous en sommes absolument ravis. Et c'est bon pour l'environnement et pour le développement durable aussi. Et voilà, et nous en remercions fortement la communauté d'agglomération qui a permis cette extension du service public. Très bonne soirée à tous, à bientôt sur RGB, sur le 99.2 ou sur Cergy-Pontoise à l'apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy, Théâtre des Louvrais à Pontoise. Bonsoir. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.